Il parle de quel mushrikoun? Il parle des mushrikoun qui étaient autour de eux dans la péninsule arabique, c'est-à-dire ceux qui se disaient musulmans, d'accord? Et qui étaient persuadés qu'ils étaient musulmans. Ils disaient la shahada, ils disaient « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » et ils faisaient la prière, et ils donnaient la zakat, et ils jeûnaient le mois de Ramadan, et ils faisaient le hajj, et ils ne buvaient pas d'alcool, etc. Tout ça, dans leur intention, c'était pour Allah, mais ils faisaient du shirk. Akbar, mais il faisait du grand shirk. Et notamment à l'époque du cheikh Mohammed ibn Wahhab, le shirk qui était répandu à son époque, c'était le shirk, notamment shirk al-Kubur, le shirk qu'on faisait auprès des tombes, comme par exemple invoquer la personne qui est enterrée d'une invocation que seul Allah a la possibilité de pouvoir y répondre. Par exemple, c'est un exemple. Hein. C'est tout ça. À notre époque, ce shirk-là existe toujours, comme le sihr, comme la magie. Mais ce qui se répand le plus maintenant, c'est par le port, ce qu'on appelle shirk tar, comme on va étudier. Donc le shirk Mohammed ibn Wahhab n'utilisait pas le mot hakimiyya. Ça, c'est venu bien après. C'est assez récent hein, d'utiliser le mot hakimiyya. Lui utilisait le mot, et moi, c'est ce que je préfère, shirk tar. L'association, le shirk, dans quoi? Dans l'obéissance. D'accord? Comme on va voir, Inch'Allah. Donc, quand ils, là, ils disent, les deux fils du shirk, Mohammed ibn Wahhab, il parle de mushrikoun, notamment de tous les mushrikoun, mais aussi des mushrikoun de là, qui, comment dire, dont ils en avaient plein autour d'eux, c'est-à-dire ceux qui se prétendent musulmans, mais qui font du shirk akbar. Donc voilà ce qu'il disait. Faman qala la ou adil mushrikoun. Donc celui qui dit, moi je ne prends pas en animosité les mushrikoun. Ou bien, il dit pas ça, mais qu'est-ce qu'il fait? Ou adahum ou lam yukaffirhum. Ou bien, il les prend en animosité, c'est-à-dire qu'il les déteste. Alors là, bon, alors, Saouda, wa alaykoum salam wa barakatou, a dû tuer son père. Alors là, donc là, je vais, excusez-moi, je vais être obligé de couper les. D'accord? Vous comprendrez. Voilà. Excusez-moi, il y a une petite interférence, donc je suis désolé pour tous ceux et toutes celles qui se retrouvent maintenant sous cette interdiction. Désolé. Hein. Je recommence, je reprends. Donc, ou bien, il dit pas ça, mais il va faire autre chose. Ou il les prend en animosité, c'est-à-dire qu'il va détester, c'est ces gens-là qui se prétendent musulmans et mais qui font du shirk akbar. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il ne fait pas de takfir. C'est le verbe kafir takfir. Donc il dit quoi? Mais non, non, ils ne sont pas des mécréants. Je les déteste pour le shirk qu'ils font, mais ils se sont toujours des musulmans. Ils ne font pas, ils se sont pas des koufars, d'accord? Ou bien il fait pas, il passe ici, il ne fait pas cela. Ou bien, mais aoukal, où il dit la ataradu ahl la ilaha illallah wa law fa'ala al kufr wa shirk wa adaw din Allah. Ou bien qu'ils disent, moi, je ne me mets pas en travers des gens du La ilaha illallah, et même s'ils font le kufr et le shirk, et adaoudin Allah, et qui prennent en animosité la religion d'Allah. C'est grave. Ou qu'ils disent, la ata'arradu lil-qibab. Qui disent ceci, moi, je ne me mets pas en travers. Donc je n'ai rien contre ceci, je ne mets pas en travers des al-qibab, ce sont les coupoles, c'est-à-dire les mausolées. Pourquoi? C'est pas la coupole en elle-même, c'est-à-dire, il veut dire quoi? Il veut dire que c'est-à-dire ces lieux où on adore autre qu'Allah Azawajal. Parce que faire juste une coupole sur une tombe, c'est pas du shirk. C'est haram, c'est une bidra, c'est haram, mais c'est pas du shirk. Par contre, il veut quoi par ceci? C'est-à-dire que ces mausolées où les gens, certains gens vont et ils vont pas juste visiter le mort, mais ils vont faire du shirk par rapport aux morts, d'accord? Donc qu'est-ce qu'ils disent les deux fils du cheikh Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah, pour ceux donc, qui disent ou qui font ça, une de ces choses qui a existé, ils disent quoi? Fahada la yakun muslima. Donc ceci, celui-là, la yakun muslima, il n'est pas musulman. D'accord? Donc celui qui ne fait pas le takfir des mushrikoun, c'est-à-dire qu'il sait que par exemple il y a des musulmans qui font du shirk là-bas et qui font non, non, non, moi je ne fais pas de takfir sur eux, je ne dis pas que c'est des mécréants. D'accord? Il refuse de faire ça, alors qu'il reconnaît comme quoi il voit très bien qu'ils font du shirk akbar. Ou autre chose, où par exemple, comme il a dit, la ta'aradu ahl la ilaha illa, ou faire le kufr wa shirk, wa'adu din Allah, moi je ne mets pas en travers des gens du la ilaha illa, même s'ils font le kufr et le shirk, et qui prennent en animosité la religion d'Allah. Donc cette personne-là, s'il dit ça, la yakun muslima, il n'est pas musulman. Bel huwa mimman qala Allahu fihi, mais il fait partie de ce que Allah Azza wa Jal a dit chez eux, pour eux. Donc là, on va citer le verset. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ. Et ils disent, donc ces gens-là disent, نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ, on croit en une partie, c'est-à-dire qu'on croit une partie de la révélation, وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ, et nous renions une partie. Pourquoi ils font ça? وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Et ils veulent prendre entre ceci, donc par ceci, سَبِيلًا, un chemin. Un chemin, mais ce n'est pas le bon chemin. Et pourquoi c'est pas le bon chemin? Parce que juste après, Allah Azawajal dit que c'est quoi ce chemin? C'est le chemin de la mécréance. Oulaika humul kafiruna haqqa. Ceux-là sont les mécréants haqqa, véritablement. D'accord? Ceux qui croient en une partie et qui mécroient une partie, ce sont eux les mécréants véritablement. Oulaika humul kafiruna haqqa. D'accord? Comme par exemple celui qui va dire la prière n'est pas obligatoire, c'est un kafir. Le jeûne, le ramadan, n'est pas obligatoire, c'est un kafir. Ou le hijab n'est pas obligatoire, c'est un kafir, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il veut croire une partie. C'est vrai qu'il va croire, par exemple, hein, moi, j'atteste comme quoi le jeûne du mois de ramadan est obligatoire, mais pas ceci, etc. Eh bien, il veut faire sa religion à lui, c'est-à-dire qu'il veut croire une partie de la religion qui lui convient, qui va à son aise, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas qu'il fait un péché pour les autres, mais carrément il fait le kouf, là, c'est-à-dire qu'il va renier. Barakallahu fik. Ensuite, les deux enfants du cheikh Mohammed ibn Wahhab, rahimallah, disent ceci, après avoir cité ce verset. Wallahu aujaba mu'adat al-mushrikin. Et Allah a ordonné, aujaba, a rendu wajib, aujaba. C'est obligatoire. C'est quoi obligatoire? Mu'adat al-mushrikin. De avoir en animosité al-mushrikin, les associateurs, les mécréants. Wa munabadatahum wa takfirahum wa munabahum, c'est-à-dire le fait, entre guillemets, de les combattre. Wa takfirahum, et le fait de faire leur takfir. Wa takfirahum, et le fait de les déclarer kuffar, mécréants. Cette citation est dans ce qu'on appelle ad-durar as-saniyya, et non pas as-sunniyya, parce qu'il n'y a pas les harakat, et certains, beaucoup se trompent et disent ad-durar as-sunniyya, parce que quand il n'y a pas les harakat, on pense que c'est du mot as-sunna. C'est pas du mot as-sunna, c'est du mot sana. Ad-duraru as-saniyya, il n'y a pas le nun n'est pas mushaddada, mais le ya est mushaddada, et le sin, il est maftouha, il n'est pas madmouma. C'est pas Adura Sunniya, comme beaucoup hein, le disent, mais c'est Adura Saniya. Les perles d'Ura, c'est les perles Saniya éclatantes, brillantes. Voilà. Dans le volume numéro 10, à la page 139. Et je vous rappelle, une sourate est dans la Sunna, comme Al-Albani a authentifié ce hadith. Qui est bon de le dire avant de dormir. Celui qui dit cette sourate avant de dormir, et bien comme a dit le prophète, il a une barade, une achille, c'est-à-dire qu'il a un désaveu qui est valable pendant toute la nuit s'il lit cette sourate. Et cette sourate, il est bon de le dire dans sunnatul fajr, dans la prière qui est sunna du fajr, d'accord. Là aussi, il y a divergence entre ceux qui disent le sunna, on l'appelle fajr ou soub, etc. L'avis le plus juste dans ceci, c'est que la prière obligatoire, on l'appelle soub et sunna. On l'appelle les deux. Mais les deux rakat qui sont sunna avant, on dit sunnatul soub ou sunnatul fajr. Avec divergence entre savants sur ça, mais l'avis le plus juste, inshallah, c'est ça. Petit profit sur ça. Et c'est quoi cette surat? Eh bien, c'est celle-ci. Surat al-kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuha al-kafirun. Dit ô vous les mécréants. Et là j'en profite, comme je le dis assez souvent à ceux que je côtoie généralement et qui ont soit des choubhat sur ça ou non, ni dans le Coran ni dans la Sunna vous voyez le mot Ghayrul Muslimin, les non musulmans. Ni dans le Coran ni dans la Sunna il y a le mot ou les deux mots Ghayrul Muslimin, les non musulmans. Allah Azza wa Jal n'a pas dit Kulia Ayyuha ghayrul muslimin. Il n'a pas dit oh vous les non musulmans. Il a dit quoi? Qul ya ayyuha al-kafirun. Oh vous les mécréants. D'accord? Donc en arabe c'est comme en français, le mot kafir, il est dur. Le mot mécréant, il est dur. D'accord? Donc ceux qui veulent absolument adoucir l'islam pour faire plaire aux mécréants, désolé mais c'est pas comme ça. On ne dit pas en arabe ré muslimin, on dit le kafiroun. D'accord? Allah a dit Kul yayyu al kafirun, ou vous les mécréants. Barakallahu fikum. Car ceux qui disent toujours les non-musulmans, les musulmans, à la limite, moi je veux bien. Il y a les mécréants que, excusez-moi, vous appelez les non-musulmans, mais nous, on est alors les non-mécréants. Si vous voulez absolument caractériser les gens par un non ceci, un non cela, d'accord. Eux, ce sont des non-musulmans, mais nous, on est des non-mécréants. Vous êtes au moins honnête, vous vous appelez vous-même des non-mécréants. Seulement, c'est le mot mécréant qui vous dérange. Et Allah Azza wa Jal ne l'a pas dérangé, ni le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même quand ils étaient à la Mecque, dans cette, la période mécoise, où ils étaient en état de faiblesse, et pourtant, même dans cet état-là, Allah Azza wa Jal et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, utilisaient le mot kafir, mécréant, et non pas ré-muslim, non-musulman. Barakallahu fikum. Donc la sourate al-kafirun, qu'il y a eu al-kafirun, oh vous les mécréants. La abou ma ta'boun, je n'adore pas ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adoré ce que j'adore. Et je ne suis pas adoré ce que vous adorez. Et vous n'adorez pas ce que vous n'êtes pas adoré ce que j'adore. Et là, et le dernier verset, voilà, la koumdinoukoum al-yadin, vous avez votre religion et j'ai la mienne. Et vous, vous êtes là-bas, nous, et moi je suis ici, point. D'accord? Ça, c'est une sourate qui est très bonne à comprendre et à réciter. Barakallahu fikum. Et qui est aussi une sourate qui parle ni plus ni moins de Al-Wala wal-Bara. Barakallahu fikum. Qala Allah Azza wa Jal, donc là on va lire un autre verset où Allah Azza wa Jal a dit ceci: Qatilu alladhina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir. Qatilu, combattez. Alors sachez que le verbe qatala, yuqatilu qitalan ou muqatalatan, on dit plus souvent qital, vient à la base du mot, du verbe de trois lettres, ou du mazal de trois lettres, qui est qatala et al-qatl, qatal yaqtulu qatlan. Et là, il n'y a pas, ce qui veut dire tuer, d'accord, tuer par une arme, par exemple, ou de n'importe quelle manière. Et on rajoute un alif, on dit qatala yuqatilu, qui veut dire combattre, mais un combat dans lequel il va avoir une mort. D'accord, c'est-à-dire combattre par les armes. Maintenant, on vient au mot jihad, qui est un fir rubai, comme pour le verbe qatala jahada, c'est la forme fa'ala yufa'ilu fi'alan wa mufa'alatan. Le mot jihad et le verbe jahada yujahidu englobe le kitab, mais c'est aussi plus vaste, parce que il n'y a pas de divergence sur ça, il y a le jihad nefs, d'accord, le jihad à faire contre soi-même, contre son ego, à avoir par exemple un bon comportement, ça fait partie du jihad nefs, d'accord, donc, et le jihad contre les mécréants a plusieurs sortes, il y a le jihad par les armes, et là on va utiliser le mot qatala qitalan, c'est comme c'est ici dans le verset qu'on va lire, donc là, quand Allah dit par exemple, qatilu, combattez, c'est-à-dire faites le jihad par les armes, d'accord, combattez par les armes. Mais le djihad, c'est plus général, d'accord? Exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit djihadul mushrikin, faites le djihad contre les mushrikin, contre les associateurs, les kuffar. D'accord? Donc, faites le djihad, combattez. Mais attention, il a dit quoi? Bil sinatikum wa amwalikum wa anfusikum. Par vos langues, c'est-à-dire vos langues, on ne prend pas nos langues puis on les frappe les mécréants ou quoi avec nos langues. Non, c'est-à-dire que par la parole. Et la parole, ça ne veut pas dire être grossier et vulgaire. Du tout, le prophète n'était pas grossier et vulgaire. Ça veut dire quoi, comme vous le savez? C'est-à-dire que démontrer aux mécréants qui sont mécréants, par rapport à leur mécréance, comme quoi ils adorent autre que Allah, je vais donc citer des versets du Coran, leur expliquer, etc. Ça fait partie du djihad par la langue. Barakallahu fikum. Et c'est le djihad que faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à la Mecque, et il lui était interdit de faire le djihad par l'épée tant qu'il était à la Mecque. Ensuite, le professeur a dit « Bien moi les coups, mais par vos argents. » Alors, l'argent, c'est-à-dire, comme par exemple, donner de l'argent à une personne pour qu'il fasse le djihad par la langue, ou donner de l'argent aux mujahidoun, c'est-à-dire qui combattent par les armes, d'accord? Donc, soit payer une personne qu'il aille faire le djihad là-bas, ou payer des armes, etc. Ou acheter des livres afin de distribuer aux koufars pour leur faire voir qu'ils sont mécréants et qu'ils sortent de cette mécréance. C'est un bien pour eux quand on les appelle à l'islam, c'est pour qu'ils sortent de cette mécréance, qu'ils n'aillent pas en enfer.